بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله في درس 27 بعد 1000. 27 بعد 1000 عفوا 27 والمئة 27 بعد المئة 127 لسون. Et là c'est là que la question c'est la 70 بعد 1000 1070e question. قال المؤلف رحمه الله تعالى كم أقسم الناس في أول سورة البقرة؟ En combien se divisent les gens de catégorie dans le début de la sourate al-Baqara, de la vache? Ils sont divisés en trois catégories. Allah Azzawajal parle de trois catégories de personnes. Et qui sont les trois formes de personnes de façon générale sur terre. Ils sont les croyants, al-Mu'minun, wa kafir, le mécréant, et al-Munafiq, l'hypocrite. Bien que l'hypocrite rentre dans le la catégorie des mécréants, mais en cette dunya, on lui applique le jugement du musulman. Et dans l'au-delà, quand je dis, je parle en apparent, d'accord, en apparent, le munafiq est considéré parmi les musulmans. Mais dans l'au-delà, il sort du nombre des mécréants. Donc lui est entre les deux. Par rapport à quoi? Non pas qu'il y a une menzila entre menzilaten, qu'il y a un niveau entre les deux niveaux, non. Il n'y a que soit mécréance, soit croyance, foi. Cependant, lui laisse apparaître la foi, donc on juge selon l'apparent, en ce bas monde, cette dunya. Et dans l'au-delà, Allah sait qui il est, et il le mettra parmi le nombre des mécréants. Par contre, certains, en cette dunya, on sait qui ils sont, car ils ont des signes apparents. Donc lorsque l'on voit vraiment leur mécréance apparaître, à ce moment-là, ils sont considérés comme étant des apostats, shal'an, et ils s'appliquent sur eux les jugements du mécréant. Mais tant qu'on ne le voit pas, d'accord, ou que ce n'est pas clair, on continue à se comporter avec eux comme avec des musulmans, en faisant attention. Donc ça que ça veut dire que quand ils sont entre les deux choses, ils tournent entre les deux catégories. Dans la dunya, celle des musulmans, on ne dit pas croyant pour les monifiques, on dit musulmans, seulement musulmans. Et dans l'au-delà, Allah sait qui ils sont parmi le nombre des mécréants. Et au dark al-asfal min al-nar, au niveau le plus bas du feu. Au niveau le plus bas du feu. Pour leur trahison. Et ces gens-là sont les plus dangereux, qu'ils soient pour l'islam. Car c'est lui qui fait rentrer l'ennemi de l'intérieur. Il te dit qu'il est avec toi, et quand tu as le dos tourné, comme on dit, il te plante. Ou il combat à tes côtés, et quand tu as le dos tourné, il ouvre la porte pour que ton ennemi puisse rentrer dans la forteresse. Wa li azabillah. Faqal, awalan, il dit Alif lam mim, zalika kitab la rayba fi, hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر آية. Il dit Alif Lam Mim, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, qui est une guidée pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible et qui accomplissent la salat et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé. Donc cette partie-là jusqu'au verset 4, qui est le verset 1 à 4, Allah Azza wa Jalla parle des croyants. Puis, قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا بصرهم عشاوة ولهم عذاب عظيم. Il dit, et ceux qui ont mécru, peu importe que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront pas. Que Allah a scellé leur cœur ainsi que leur ouïe. Et il y a une couverture sur leur vue. Et ils auront un châtiment immense. Donc là, c'est parmi le 5e et 6e verset. Et par la suite, yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum 'adhabun alim. Jusqu'à akhir aya. Quand il dit, parmi les gens, certains disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils veulent tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte. Dans leur cœur, il y a une maladie et que Allah leur a ajouté de la maladie à leur maladie et ils auront un châtiment douloureux pour ce qu'ils ont menti, pour leur mensonge. Jusqu'à verset 16. Donc on constate que Allah Azzawajal, regardez bien ce qui montre la dangerosité de ces gens-là. Les croyants, il en a parlé de façon concise. Les mécréants également. Et pourtant, pour les munafiqoun, il a cité du verset 8, du verset 7 au verset 16. 9 versets pour eux. Alors que les autres n'en ont pas eu autant. Pour bien montrer le mal que ces gens-là renferment en eux. Qu'il faut faire plus attention à ces gens-là qu'aux autres. D'accord ? Non. ثم قال في السؤال 71 بعد 1000 1071e question. ما هي احب البلدات الى الله ورسوله؟ Quelle est la contrée la plus aimée auprès d'Allah et de son messager? Il s'agit de Mecca. Il s'agit de Mecca. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de Mecca, comme dans le hadith de Adi ibn Hamara, Abdullah ibn Adi al-Hamara, radi anhu, قال والله إنك لا خير الأرض لا خير الأرض الله هو أحب الأرض أحب الأرض الله إلي والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. Il dit oh par Allah, tu es certes la meilleure terre d'Allah et la plus aimée des terres d'Allah auprès de moi, et que si mon peuple ne m'avait pas expulsé, je ne serais pas parti. Apporté par Ibn Majah. Et là on voit que l'homme de base, même en dehors de Mecca, qui elle est la meilleure des terres, l'homme de base aime son pays. Et c'est une réalité. Même les Muhajiroun qui ont quitté leur pays, dans leur cœur, ils ont une nostalgie de leur pays. Ils le ressentent. Mais, même s'ils ne se sont pas fait attraper par les gens, les habitants des contrées qu'ils ont mis dehors, leur mode de vie, leur façon de faire, est une forme d'expulsion qu'elles ne te permettent pas de vivre avec eux en tant que croyant, comme c'est le cas pour la France. Si ce n'est, comme on dit avec des frères, si ce n'avait pas été les mécréants, la France est un pays qu'on aime à la base. C'est un beau pays. On ne peut pas le nier cela. D'accord ? Cependant, la mécréance qui se trouve à cause de ses habitants, c'est ça qui fait qu'on a dû partir. Car il n'est pas possible d'appliquer notre foi pleinement, comme cela nous est rendu obligatoire, au milieu de ces gens-là. Ils nous empêchent de le faire. Donc, on est obligé de partir. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et également pour ne pas rester mélangé à ce genre de personnes. Mais sans quoi, il n'y a pas un mohajir sans que dans son cœur, il est attaché à son pays de base. Et ça, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. C'est là où il a grandi, c'est là où il a été habitué, c'est là où il a eu c'est là où il a été éduqué, c'est là qu'il a vu plein de choses. Ça lui manque tout ça. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que la hijra, c'est une adoration qui est immense. Car tu quittes le pays dans lequel tu vis. Déjà, quand une personne déménage dans un pays d'une ville à une ville, quand il arrive dans une nouvelle ville qu'il ne connaît pas, il se sent à l'étroit au début. Parce que c'est une nouvelle ville, il n'est pas habitué, il n'a pas de point de repère. Par rapport à la ville d'où il vient. Donc, qu'en est-il d'un pays entier? Tu sors d'un pays avec des coutumes, une langue, d'accord, un mode de vie pour être dans un autre pays qui n'a quasiment rien à voir, dans lequel tu es totalement étranger. C'est très difficile. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à tenir. C'est pour ça que Nabi Salem avertit à des gens, Inna sha'an al-hijra shadid, il avertit à des gens de faire attention, la hijra elle est dure. Et à d'autres personnes, il les a encouragés fortement de le faire. D'accord ? Ça varie. Bien que l'ordre de base est l'obligation pour ceux qui ne peuvent accomplir sa religion en pays de mécréance. Il doit la faire. Si on a les moyens. Mais on ne parle pas pareil à n'importe qui. Quand on parle de façon, on va dire, privée, maintenant qu'on fait un conseil général, c'est général. Mais des fois, il y a des gens, tu sais que tu leur dis la chose d'une façon, tu ne la diras pas à un autre de la même façon. Tout à fait normal. Les gens ne sont pas réceptifs de la même façon au message qu'on leur donne. Certains, tu leur dis certaines choses dès le début, tu peux les faire fuir. Et d'autres, tu sens en eux une force, une fougue, qui fasse qu'ils vont agir aussitôt. Comme cet homme, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqatil, fa qala, fa'anna zekatatu wa kutiltu, aina ana, qala fil jannah. Cet homme qui n'était pas encore musulman. Il n'était pas encore musulman. Il a dit au Nabi Sallam, lors d'un combat, si jamais je combats et que je suis tué, où est-ce que je serai? Il a dit au Jannah. Il avait des tamres dans la main, il les a jetés, il s'est jeté au combat, il est mort. Et il n'a pas fait une raka. Il n'a pas eu le temps de faire la salat. Il est mort. Il était où? Au Jannah. Et d'autres sont venus voir le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'alou man l'islam. Faqala khams salawat fil yom wa layla. 5 salats de jour et de nuit. Il dit, est-ce que j'ai autre chose à faire? Il a dit là. À part ce que tu feras, il est à ta tawwa. À part ce qui est surrogatoire. Thumma qala wa qala lahu wa an tukhrij hadi sadaqa. que tu sors cette aumône, c'est-à-dire la zakat. Quand le hala hala ghayruha, est-ce que j'ai autre chose à sortir comme argent? Il dit là, il n'a pas de non, sauf que ce qui est surrogatoire. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa anta soum min as-sana, que tu jeûnes un mois dans l'année. Il dit wa hala alayya ghayru, est-ce que j'ai autre chose plus que cela à faire comme jeûne? Il dit là, il n'a pas de. Il dit non, sauf si jamais tu rajoutes de toi-même. Après ça, il est parti et il a dit wallah, il laisse dola hada wala nqus. Il a dit wallah, je ne rajouterai rien à cela, ni je n'enlèverai. Et l'ami sallam lui a dit qala aflah min sadaq, qu'il a réussi si jamais il est véridique. Voyez la différence. Il y en a un, il est parti au combat tout de suite. Et l'autre, on lui a donné le minimum à faire. D'accord ? Quand il a dit, j'ajoutais rien à cela. C'est-à-dire, pour lui, c'était le minimum à faire. Mais s'il est sincère, il fait ses wajibat, qui sont les actes préférés auprès d'Allah Azzawajal, il réussit, le musulman. S'il fait ce qu'il a rendu obligatoire, même si c'est le minimum à faire, alhamdoulilah, il a fait ce qu'il a rendu obligatoire. Le reste, c'est un surplus. Donc, vous voyez la différence qu'il y a entre les gens. Mais l'obligation reste l'obligation. L'obligation reste l'obligation. Et là, Hijra, son jugement, il est connu. Et principalement pour les gens qui sont en France. C'est un pays dans lequel on ne peut pas appliquer la religion, ce n'est pas possible. Celui qui vous dit cela, c'est un menteur ou un ignorant. Comme je le dis, soit il ne connaît pas l'islam, d'accord, ou soit il ne connaît pas la France. Ou alors, c'est quelqu'un qui connaît l'islam, qui connaît la France, mais c'est quelqu'un qui suit ses passions. Malheureusement. Non. Souman Ouassil. Faqal, ma ya ahabul baqa ila Allah. Quels sont les dans Souel Thani ou Sebein ou Alf? 1072e question. Quels sont les meilleurs endroits, les meilleurs lieux pour Allah? Il s'agit des masajid, les mosquées. Souma Kalef Souel Thani ou Sebein Bard Alf. 1073e question. Maïa Abad al-Baqa il Allah. Quels sont les lieux les plus détestés auprès d'Allah? Et dit les Aswak, les marchés. Ou Dalilu, Hadith Abu Huraira. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وبعض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم. Donc il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que les lieux les plus aimés auprès d'Allah Azzawajal sont les masajid, car c'est là où on adore. Et les lieux les plus détestés auprès d'Allah sont les marchés, car c'est là où on oublie le plus. Les gens sont occupés par leur dunya, d'accord, sans compter tous les péchés qui s'y produisent. Et sont les lieux les plus détestés auprès d'Allah. Cependant, il reste permis d'y aller. Le fait que Allah déteste le marché ne veut pas dire que tu es interdit d'y aller. Comme a dit Ta'ala, Ma'ad al-Rasul yamshi fil aswaq. Quel est donc ce messager qui marche dans les souks, dans les marchés? À propos du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il allait au souk, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas interdit. Cependant, on y va pour Bikad al-Hajja, en mesure du besoin. Quand on a fini, on sort. Car c'est un lieu. Tamam, yajal kaswa fil kulub, qui endurcit les cœurs, car c'est un lieu de refla, et qui t'attache à la dunya, et non pas au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, fi soual al-sabi' wa sab'in ba'd alf. 1075e question. Ma asma al-ashhur. Quels sont les noms des mois? Les mois en arabe. Donc ils sont 12 également. Comme a dit Ta'ala, inna 'iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahra. Que les mois qadara sont 12. Les mois lunaires comme les mois solaires. Sauf que nous en islam, on se base sur les mois lunaires. Donc ces mois lunaires et dans le calendrier hijri de l'égir comme on dit, voici nos mois. Muharram, en premier lieu, c'est dans lequel nous sommes actuellement. C'est dans lequel on fait le jeûne de Ashura. Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, certains disent Jumada al-Akhira, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Ka'dah, wa Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah, celui dans lequel se fait le Hajj, bien évidemment, et qui dans lequel a lieu le jour du Eid al-Adha, ou Akada, et le jour de Arafat, taban. Après, il dit Fi Su'al Sabi'a wa Sab'in, Bad Alf. 1077e question. Ma hiya al-Ashhur al-Hurum. Maintenant, quels sont les mois justement qui sont sacrés? Les mois sacrés. Dans lesquels il n'est pas permis justement de combattre, par exemple, et dans lesquels le Hajj se fait. Mais que le Hajj se fait à des jours particuliers, mais on les appelle les mois sacrés également, malgré tout. Ce sont Zulqi'adah, Zulhijjah, Muharram, ces trois mois d'affilée, et le quatrième c'est Rajab. Le quatrième c'est Rajab. Comme dans le hadith de Abu Bakr, radiallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit As-sana 12 shahra, que l'année contient 12 mois. Minha arba'atun hurum, parmi elles, 4 qui sont sacrés. 4 mois sacrés. Salathun mutalawiyat, ou mutawaliyat, 3 qui sont d'affilée, qui se suivent d'affilée, qui sont Zulqi'ada, on peut dire Zulqi'ada, Zulhijjah et Muharram, ces trois mois sont affilés. Et un qui est à part, c'est Rajab. Le hadith muttafaqun alayhi. Non. Fabien, d'accord, n'a que ta fille. On a qu'à l'hamdoulilah.